Une centaine d'hommes, immémorialement, l'occupaient. Garnison modeste, suffisante pourtant aux heures de repos, entre deux exercices, pour entretenir un peu d'animation guerrière par les rues. On a déclassé le fort et retiré la garnison. Maintenant, des troupeaux de chèvres vaquent librement dans l'enceinte, et les petits artisans n'ont plus, pour égayer leurs rêves, les poétiques silhouettes de quelque élégant capitaine ou de quelque galant sergent-major. Quoi encore? Quand te perdrix était le chef d'une recette particulière. Il y a 3 ou 4 ans, un vent d'économie soufflait, comme il semble souffler aujourd'hui, et le ministère résolut de tenter l'expérience. Supprimons, se dit-il, la recette de Canteperdrix. Et si la suppression ne fait pas trop crier, si les affaires marchent quand même, nous pourrons supprimer à bon escient les autres recettes de France. Non seulement Canteperdrix ne cria point, mais, par-dessus le marché, remercia, fier du choix qu'on faisait d'elle et de la confiance qu'on avait en son désintéressement patriotique. Seulement, la réforme s'arrête là, et, quoiqu'il n'y ait pas eu d'autre suppression, Canteperdrix attend toujours qu'on lui restitue sa recette. Il restait à Canteperdrix la sous-préfecture et le tribunal. Le tour de la sous-préfecture ne saurait tarder. Quant au tribunal, c'est chose faite. Tout le monde a pu lire le nom de Canteperdrix sur la liste, d'ailleurs assez longue, des tribunaux de première instance condamnés.